Livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas : « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande, il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville. Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Ils changent d'avis. Ils regrettent le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas.